بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة bienvenue chers frères. On va continuer aujourd'hui inshallah ta'ala cette série dans l'explication de usul al-iman al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Usul al-Iman, donc les fondements de la foi. Et donc l'auteur, rahimahullah, il nous dit Yarhamukallah. An Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan bi yadihi thumma qal hadha sabilullah. Sur Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait avec sa main. Et ensuite, il a dit, ceci est la voie d'Allah. ثم خط خطوطا عن شماله عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Et ensuite, il a tracé plusieurs traits à droite et à gauche de ce premier trait. Et il a dit, ceci sont des voies. Donc ces traits-là, ce sont des voies. Il y a sur chaque voie un shaitan, un diable qui appelle vers celui-ci. Et ensuite il a récité sallallahu alayhi wa sallam wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Certes, ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Alors suivez-la et ne suivez pas les voies, donc les voies de l'égarement, sans quoi celles-ci vont vous diviser. Ces voies de l'égarement, les savants du tafsir, ils nous disent donc, ces voies de l'égarement sont nombreuses, elles se divisent et elles nous divisent en nous éloignant de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est à cela que nous vous exhortons, afin que vous atteigniez la piété. Surat al-An'am, le verset 153. Rawahu Ahmed wa Darimi wa Nasa'i. Hadha al-hadith takallamna anhu sabiqan wa huwa dalilun ala wujub al-istiqama ala ma anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. Ce hadith, on en a déjà parlé précédemment, et c'est une preuve claire qui montre l'importance, l'obligation de rester fermement, de suivre fermement ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé dans son livre et par la langue de son prophète صلى الله عليه وسلم. وفيه الحذر من الانحرافات والضلالات. Il y a aussi dans ce hadith le fait de se méfier des déviances et des égarements. Wa fihi wujub ta'allum ad-din. Il y a aussi dans ce hadith l'obligation d'apprendre la religion. Fa kayfa tahdhar min hadhihi as-subul kulliha wa la tadrus wa la ta'lam ma huwa dinuk. Comment peux-tu te méfier de toutes ces voies? Il a tracé une voie avec plusieurs voies de l'égarement. Comment peux-tu te méfier de toutes ces voies de l'égarement si tu n'étudies pas? Si tu ne sais pas quelle est la croyance obligatoire, quelles sont les croyances innovées, égarées, etc. Et donc il est obligatoire d'apprendre notre religion. Wa kadhalika fihi ayyu al-ikhwa anna al-ahzab al-munharifa hiya allati tufarriqu al-umma. Il y a aussi dans ce hadith le fait que les sectes, les groupes égarés, ce sont eux qui divisent la communauté. Ce sont eux. Alors qu'aujourd'hui, les choses se sont inversées. Alladhi yuhadhdhiru an-nas min al-ahzab wa min ad-dalalat yaqulun huwa yufarriqu al-umma. Celui qui va mettre en garde contre les sectes et contre les égarements, les gens ils vont dire, il divise la communauté. Mais non, il nous aide justement à nous unir afin qu'on ne suive pas les voies de l'égarement. Et donc, il est important de comprendre que la division de la communauté, elle est arrivée par les innovations et par les sectes. Pas par les gens de la Sunna qui mettent en garde contre l'innovation. Ensuite, l'auteur, il nous dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلال قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله تبارك وتعالى ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الحديث رواه الإسماعيلي في مجمعه وكذلك ابن مردوي. Et donc, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit que des gens parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils écrivaient, donc, à partir de la Torah. Ils écrivaient en se basant sur la Torah. Ils recopiaient la Torah. Alors, cela a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, certes, la plus grande stupidité et le plus grand des égarements, ce sont des gens qui vont délaisser ce avec quoi est venu leur prophète pour aller vers un autre prophète, qui a été envoyé à une autre communauté que leur communauté. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole dont le sens est « Ne leur est-il pas suffisant que nous avons fait descendre sur toi le livre qui leur est récité ?» Qui leur est récité, certes, il y a en cela une miséricorde et un rappel pour ceux qui ont la foi. Sourate Al-Ankabout, le verset numéro 51. هذا الحديث أيها الإخوة ضعيف. Ce hadith que je viens de vous citer, les frères, il est faible. في إسناده إبراهيم ابن يزيد وهو متروك. Il y a dans la chaîne de transmission de ce hadith Ibrahim ibn Yazid. Et cet homme, il est متروك. متروك chez les savants du hadith, ça fait partie des plus grandes critiques qu'on trouve. Les plus grandes critiques qu'on trouve chez un rapporteur de hadith, on va avoir Metrouk, ça veut dire que les gens du hadith, ils l'ont totalement délaissé. La yaltafituna ila hadithihi. Ils n'accordent pas d'importance à son hadith. Et c'est pour ça qu'on dit Metrouk. Parfois, l'imam al-Bukhari, lorsqu'il parle de certaines personnes, lui, l'imam al-Bukhari, il va pas dire Metrouk, il va dire Tarakour. Tarakour, ça veut dire vraiment, lorsque l'imam al-Bukhari, il dit ça, c'est vraiment que ce rapporteur, il est faible. Les gens du hadith ne lui accordent pas d'importance. Et donc ce hadith, les savants du hadith, ils disent Huwa da'ifun jidden. Il est très faible. Il est très faible à cause justement de cet homme qui est metrouk, délaissé. Et donc, comme j'ai cité ce hadith, il est faible. Walakin al-ma'na sahih. Cependant, la signification, elle est correcte. Fala shakka ayyul ikhwa. Anna man a'rada an kitabillah. Wa'tana bi'aylihi min al-kutub. Fala shakka anna hadha dalalun mubin. Il n'y a nul doute, ô chers frères, quant au fait que celui qui délaisse le Coran et qui va accorder de l'importance aux autres livres précédents, il n'y a nul doute que ceci est un égarement profond. Kayfa ya'tani ar-rajul wa kayfa yu'ridu ar-rajul 'an al-Quran ma'a anna al-Quran huwa an-nasikh wal-kutub as-sabiqa mansukha. Comment est-ce qu'une personne peut délaisser le Coran pour les livres précédents, alors que le Coran, c'est l'abrogeant, c'est lui qui est venu abroger les autres livres, et que les autres livres ont été abrogés. Tu délaisses donc l'abrogeant pour te concentrer sur ce qui est abrogé. Il y a un problème. Bel, kayfa yu'ridu al-mar' 'an al-kitab al-mahfouz ويعتني بالكتب المحرفة. Comment est-ce que l'individu peut donc délaisser le livre qui a été préservé, le livre qu'Allah tabaraka wa ta'ala préserve? Comment est-ce qu'on peut le délaisser et accorder de l'importance aux livres qui ont été modifiés? Et certes, on a vu ici dans cette mosquée énormément de preuves et d'éléments qui montrent que ces livres-là ont été modifiés. La Torah, l'Évangile, ces livres ont été modifiés. Même l'Évangile aujourd'hui, le fait de dire l'Évangile, un frère m'a interrogé concernant ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'Évangile? Est-ce qu'on a l'Évangile ici entre nos mains? Non. Pourquoi? Parce qu'il est modifié. Il est modifié, non. Parce que je vais te dire, est-ce qu'on a la Torah aujourd'hui entre nos mains? Hein? Aujourd'hui, ils l'appellent la Torah, eux. Ils l'appellent la Torah. Mais bon, nous, on sait qu'elle a été modifiée. Saïb, est-ce qu'on peut dire qu'on a l'Évangile? Non. Parce que même eux, ils ne l'appellent pas l'Évangile. Même eux, ils ne l'appellent pas l'Évangile. Eux, ils te disent les Évangiles. L'Évangile de Matthieu, l'Évangile de un tel, l'Évangile de un tel, de un tel. Tu leur demandes, il est où l'Évangile de Jésus? Allahu A'lam. Même eux, ils ne savent pas, il est où l'Évangile de Jésus? Combien de fois j'ai débattu sur ce sujet avec eux? L'Évangile de Jésus, il est où? Ah, en fait, il s'est passé que... Mais en fait, ce n'est pas un livre, l'Évangile. Ah, ce n'est pas un livre maintenant. D'accord. Et donc... Aujourd'hui, on a un problème. Comment est-ce que nous, les musulmans, on peut délaisser le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et se concentrer sur ces livres qui ont été modifiés, qui ont été abrogés? Ce n'est pas correct. Il faut donc qu'on se concentre sur la base, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qalat al-ulama إنه لا يقرأ في كتب اليهود والنصارى إلا من عنده أهلية وقد طلب العلم وهو على بصيرة من دينه يعرف دينه وعقيدة أهل السنة والجماعة ثم أراد أن يقرأ من هذه الكتب ليبين ما فيها من الضلالات والتحريفات فحينئذ لا بأس به أما عامة المسلمين فلا يجوز لهم أن يقرأوا هذه الكتب. Les savants, ils nous disent quoi? Ils nous disent que seuls ceux qui ont la capacité, qui ont étudié et qui ont une clairvoyance concernant leur religion et qui connaissent la croyance des gens de la sunna et du groupe, seuls ceux-là, ils ont la capacité de lire dans les livres des juifs et des chrétiens, s'ils veulent par là lire dans ces livres pour montrer les égarements qu'ils contiennent et pour montrer les modifications qu'il y a eu dans ces livres, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal, parce qu'on en a besoin, l'il maslaha. En ce qui concerne la masse des musulmans, alors non, il ne leur est pas permis de lire dans ces livres-là. Attention, la masse des musulmans, ils ne doivent pas lire dans ces livres-là, la Torah, l'Évangile, etc., ou les Évangiles du moins, hein, la Bible. Il ne leur est pas permis. Pourquoi est-ce qu'on va se concentrer sur ce livre-là alors qu'on n'a pas encore bien maîtrisé le Coran? C'est important, les frères, de bien comprendre ça. Chaque chose à sa place, chacun à sa place. Il est important qu'on fasse attention à notre propre religion. Combien on a vu? On le voit, YouTube, et ils ont leur site ou autre. Combien sont concentrés à vouloir répliquer aux chrétiens? Ils veulent répliquer aux chrétiens, montrer que l'islam, c'est la religion de vérité. Mais tu les vois en même temps tomber dans des égarements qui peuvent les faire sortir de l'islam. Les faire sortir de l'islam. Comme le fait de prêcher les chrétiens. Il y en avait un justement qui prêche les chrétiens. Il était très motivé en cela. Il les prêche. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que Allah fi kulli makan. Allah, il est partout. Ça, c'est de la mécréance, ça. Cette parole, c'est une parole de mécréance. Allah tabaraka wa ta'ala, il affirme qu'il est au-dessus des cieux. Et nous, aujourd'hui, on vient, on dit non. Allah, il n'est pas au-dessus des cieux. Allah, il est partout. Tu leur dis même aux toilettes, ils te disent non, aux toilettes, non, pas là, mais partout. Et donc, aujourd'hui, même un débat entre un chrétien et un musulman, le chrétien qui te dit non, Dieu il est aux cieux, le musulman qui dit non, Dieu il est partout. Subhanallah al-Ali al-Azim. Et tout cela pourquoi ? À force de débattre, de chercher à regarder dans ces livres-là avant de nous concentrer sur la base. On doit se concentrer sur la base. La base, c'est que moi, j'ai peur pour ma propre personne. J'ai peur d'aller en enfer. Et donc, il faut que je lise le Coran, que j'apprenne ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut de moi, ce qu'il m'a ordonné, ce qu'il m'a interdit. Voilà ce qui me concerne. À partir du moment où j'ai bien appris, alhamdoulilah, à ce moment-là, je peux commencer à regarder dans les autres livres. Pourquoi ? Pour prêcher les autres. Mais si tu n'as pas bien appris, tu vas prêcher les autres pour les amener où ? Tu vas les prêcher à quoi ? T'imagines, tu sors un chrétien qui disait que Dieu il est au ciel, tu le prêches à l'islam pour qu'il dise Dieu il est partout. Et frère, il faut qu'on fasse attention. Aujourd'hui encore, subhanallah al-Ali al-Azim, il y a un groupe au Vietnam qui pratique un islam, j'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Jamais entendu parler de ça auparavant. Et ils se disent musulmans. Et c'est pour ça qu'attention, on ne fait pas attention, il ne faut pas se concentrer sur l'appellation. Il faut se concentrer sur la réalité des choses. Ils se disent musulmans. Le premier pilier de l'islam, le fait de croire en Allah. Le deuxième pilier de l'islam, le fait de croire en Mohammed qu'il est comme Allah. Et aussi, ils ont leur croyance, le fils d'Allah, qui est Ben, ou je ne sais pas comment ils l'appellent, Subhanallah al-Ali al-Azim. Quand tu vois ça, ils se disent musulmans. Musulmans. Les cinq prières par jour, non. C'est prier une fois dans le mois. Une fois dans le mois. Et attention. Attention, c'est pas tout le monde qui prie. C'est que les leaders, les responsables, les imams, ils sont 3-4 à prier comme ça dans une mosquée. Et c'est eux. Il n'y a que eux qui prient. Ils n'ont pas fait comme sourire. Non, il n'y a qu'eux qui prient. Ils ont inversé, ouais. Le jeûne, même chose, il n'y a que eux qui jeûnent. Il n'y a que eux qui jeûnent. J'ai vu ça, j'étais choqué. Et ils sont fiers. Oui, on a un islam qui est plus libre, alhamdoulilah, nous avons plus de liberté que les sunnites, etc., etc. C'est pas l'islam, ça, que vous avez. C'est pas l'islam. Et donc, oh, chers frères, il est vraiment important qu'on se concentre sur qu'est-ce que l'islam ? Quelle est notre religion ? On apprend notre religion déjà pour nous. Et ensuite, après, on verra pour prêcher les autres. Donc déjà, on doit se concentrer sur nous-mêmes. C'est important que chacun se concentre sur le livre d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, qui nous cite donc, le dernier hadith avant le chapitre suivant. Le chapitre suivant, inshallah, qu'on va commencer demain. C'est un chapitre aussi qui reste très important. Donc ce chapitre-là qu'on a vu, c'était donc l'importance du Coran. Le chapitre d'après, Hukukun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quel plaisir de lire et de réviser sur ce sujet, particulièrement dans ce pays dans lequel nous sommes. Alhamdulillah. Wallah l'ifka c'est ni'ma. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour le bienfait qu'il nous accorde. Donc l'auteur qui nous dit, donc le dernier hadith du chapitre, An Abdillah ibn Thabit ibn al-Harith al-Ansari, radiyallahu anhu, qala, dakhala Umar ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi kitabin fihi mawadi'u min al-Tawrah. Et donc selon Abdillah ibn Thabit ibn al-Harith al-Ansari, qui dit que Umar est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait avec lui un livre qui contenait des passages de la Torah. فَقَالَ هَذِهِ أَصَبْتُهَا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَعْرِضُهُ عَلَيْكَ. Alors Omar, il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc cet écrit je l'ai eu depuis, donc je l'ai eu d'un homme des gens du livre, juif ou chrétien, un homme des gens du livre. Je le récite sur toi, je le lis sur toi. فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيُّرًا شَدِيدًا لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ. Alors à ce moment, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a brusquement changé. Et je n'ai pas vu ce changement auparavant. فقال عبد الله بن الحارث لعمر أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Alors عبد الله بن الحارث il a dit à Omar, ne vois-tu pas le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu ne vois pas qu'il est énervé? Tu ne vois pas que là tu l'as énervé? Alors Omar radiallahu anhu, il a entendu ça, il a dit آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Alors Omar, quand il a entendu ça, il a dit certes, nous croyons en Allah tabaraka wa ta'ala comme Seigneur et en Islam comme en tant que religion et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est apaisé et il a dit si Moussa venait ou alors si Moussa descendait et que vous le suiviez en me délaissant, vous allez alors vous seriez égaré. Ana hadhukum min an-nabiyyin wa antum hadhi min al-umam. De tous les prophètes, je suis le vôtre. De tous les prophètes, je suis le vôtre. Et de toutes les communautés, vous êtes la mienne. Vous êtes ma communauté. Hadithun rapporté donc par Abd al-Razzaq ainsi que Ibn Sa'd et Al-Hakim fil Kuna. هذا الحديث في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف. Et donc ce hadith, il y a dans la chaîne de transmission du hadith Jabir Al-Ju'afi, on a déjà parlé de lui dans la mosquée. Et cet homme, il est faible. Cependant, وَلَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثِ لَهُ تُرُقٌ كِثِيرًا عِدَّ. Cependant, ce hadith, il a énormément de chaînes de transmission. Énormément de chaînes de transmission. À tel point que Ibn Hajar, ainsi que Al-Albani, رحمةullahi alayhima, ils nous disent هَذِهِ تُرُق وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةَ مَا كَثْرَتِهَا تَشْعِرُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ لَهُ أَصْلٌ. Et donc Ibn Hajar, un grand savant dans la science du hadith, ainsi que l'Albani, rahimahullah, ils nous disent, ces chaînes de transmission, même si elles sont faibles, dans chaque chaîne de transmission, on va trouver un problème. Mais elles sont tellement nombreuses que cela nous montre que ce hadith-là, il a une base. Il a un fondement quelque part. Parce que c'est là, il faut bien qu'il l'ait pris quelque part. Tout cela, il faut bien qu'il l'ait pris quelque part. Et donc, il nous montre, donc ces savants-là, c'est pour ça que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il voit que ce hadith, il est Hassan bimajmu'i turukihi. Le hadith, il est acceptable, donc, en prenant en compte toutes ces chaînes de transmission. Wa fihi annahu la yajuzu al-udulu anil Qur'an ila ghayrihi min al-kutub as-sabiqa. Et on comprend encore de ce hadith qu'il n'est pas permis de délaisser le Coran pour se concentrer sur les autres livres. Et parmi les erreurs qu'on entend à notre époque, malheureusement, le fait qu'on entend des gens qui nous disent al-kutub as-samawiyya, les livres célestes. Les livres célestes. Est-ce que la Bible, c'est un livre céleste? Est-ce que la Bible nous vient du ciel? Abadan. C'est les hommes qui ont écrit ce livre. C'est les hommes qui l'ont écrit. On ne va pas attribuer à Allah tabaraka wa ta'ala ce qu'il n'a pas fait. Et donc il est important, chers frères, qu'on fasse attention à cela. Et même quand ils nous parlent de la religion juive, la religion chrétienne, ils nous disent « Al-Adyan al-Samawiyya » les religions célestes. Abadan kadhib. C'est un mensonge. Ces religions ne sont pas célestes. La religion juive n'est pas une religion qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les juifs, c'est une origine. C'est une origine. C'est eux ensuite qui se sont fait appeler comme cela. Al-Nasara, c'est un groupe qui se sont fait appeler chrétiens. Nasara, c'est pas Allah tabaraka wa ta'ala qui les a appelés comme ça. Et c'est pas lui qui les a appelés à adorer Jésus. Et donc il est important, chers frères, qu'on fasse attention à cela, que ces religions ne sont pas des religions célestes. Barakallahu fikoum, on arrête pour aujourd'hui.